De onde vem essa luz neon? La noche brilla la cabrilla en son. C'est la fête, la piste de danse. La noche brilla la cabrilla en son. Je veux célébrer la sun.